Avant de commencer ce micro ouvert, j'avais envie de le dire. Je le dis, écoutez, c'est une excellente nouvelle. J'ai oublié mon livre dernièrement, qui fait que le lendemain, j'aurais pu le retrouver. Ce livre, il n'y était plus, voilà. Donc, on m'a volé mon livre, quoi. Enfin, c'est une super bonne nouvelle dans le monde, dans ce monde où on dit qu'on ne lit plus. Ben voilà. Il y a même des gens qui volent pour ça, pour lire, quoi. C'est réconfortant. Non ? Micro ouvert. Oui, j'y pense, c'est peut-être triste quand même pour celui qui vole un livre, quoi. C'est triste, vraiment triste, qu'on doit voler pour lire, qu'on doit voler pour manger aussi, c'est triste. C'est triste que je me suis fait voler mon livre en plus. Enfin, c'était pas le mien, hein, c'est pas ça. Une fois que je l'ai lu, je peux le prêter, quoi, aussi. Mais c'était mon livre du moment, on va dire ça comme ça. Et franchement, je l'aimais vraiment bien, quoi. Bon, ben, j'ai plus qu'à aller le voler quelque part, là. Et tiens, à ce propos de voler, vous voyez, il y a Air France, là. Vous avez entendu cette histoire ? Le gars, là, qu'on a déshabillé, qu'on a forcé à manger, mais quel pauvre ! Non, mais sans rigoler, pauvre gars ! On nous a demandé de faire des efforts, on les a fait. Ça fait 4 ans que nos salaires n'ont pas évolué. 4 ans qu'on travaille pour rien. Nous, on les a fait, les efforts. Nous, on les a fait, les efforts. Nous, on a fait des efforts. 4 ans. 4 ans sans rien. Et c'est nous qui trinquons. Et on nous redemande aujourd'hui d'être gentils et de comprendre et que les acquis, ça évolue. Et que l'âge aussi, pour faire travailler les enfants, ça évolue. Alors est-ce que c'est 8 ans, 6 ans, 22 ans? À quel âge on fait travailler les enfants? Quelle politesse! Mais quelle politesse! Est-ce qu'on aurait le droit de dialoguer, de parler? On aimerait pouvoir avoir un retour, une discussion. Prenez-nous de haut, monsieur. Prenez-nous de haut, monsieur. Mais lui, il s'en bat les couilles, tu touches 20 000 euros par mois, là. Mais oui, il s'en fout. Moi, je touche 1 800 euros. C'est ça qui ruine la France. Mais lui, s'en tape de toi, lui. C'est ça qui ruine la France. Allez. On n'est pas venu chercher le conflit, messieurs. On est venu discuter. On voudrait avoir un dialogue cohérent. On voudrait avoir un dialogue cohérent, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Juste de nous entendre. On voudrait parler. On a des choses à faire remonter qui sont importantes. Avec les clients. Mais vous, est-ce que vous êtes transparent avec nous? Hein? Faut prendre les clients en considération. Nous, on vous prend en considération. L'annoncé était faite aujourd'hui à 10h. On l'entend déjà sur les infos, déjà depuis samedi, on l'entend. C'est de la considération, ça? C'est normal qu'on apprenne par voie de presse combien est-ce que d'entre nous vont sauter? Est-ce que c'est normal? C'est normal? C'est de la considération, ça? Pour des gens qui ont 30 ans d'ancienneté, qui ont amené en guerre France, hein, au plus haut de sa gloire, et c'est comme ça qu'on est remercié. C'est certainement pas vous qui avez amené la France au haut de sa gloire. C'est certainement pas vous. Vous allez en faire encore plus. Bravo le PS. On n'est pas venu chercher le conflit, messieurs. On n'est pas venu pour être violent, on n'est pas venu pour vous manquer de respect. On est venu pour avoir des gens qui puissent vous apporter des réponses. Et avoir le sentiment, l'impression d'être pris en considération. Juste ça. Mais même ça, vous ne pouvez pas nous donner. Et pourtant, nous, cet uniforme, je peux vous dire qu'on porte avec fierté. Nous, on est fiers de porter cet uniforme. Hein ? On se bat pour notre compagnie, nous, oui. Oh la soya! Oh la soya! Oh la soya! Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace. On n'avait pas la CBA papa. SDF chômeurs ouvriers. Paysans immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. Alors ici on se retrouve devant un feu, hein, un joli feu, et j'ai deux mignons petits garçons. Mais pas aussi petits qu'un là-bas, là, assis dans le fauteuil avec sa mère. Qui lui, il a quel âge maintenant ? 2 ans. Erwan et Isaac. Qui ont... Tu as quel âge, Erwan ? 13 ans. Et toi, Isaac ? 16 ans. Ah ouais, ouais. Vous êtes frères, quoi. Oui. C'est ton frère, Isaac, alors ? Oui. Et Isaac, Erwan, c'est ton frère ? Ah bah non, je crois pas. Non, oui, c'est mon frère. Et quoi, vous vous entendez bien ? Bah non. Non ? Attends, c'est pas si évident que ça, il y a des frères qui se détestent, hein. Bah oui. Vous entendez bien quand même. Ah, c'est sûr qu'on entretient des liens très... très forts, hein. Ouais. Non mais sérieusement, sans rigoler, vous aimez bien, quoi. Ah oui. Voilà, il ne faut pas avoir honte de le dire. Il hein. n'y a pas de honte à dire qu'on s'aime bien. Hein. C'est vrai, quoi, non ? Bon, et alors, on essaie de trouver un sujet de conversation. Et tu me parlais de la guerre, quoi. Ouais, ouais, ouais, je connais bien la guerre. De la 39 à la 89. Ouais. Vas-y, pour voir un petit peu ce que ça raconte quand tu... Bah, en gros, en 1939, en septembre, ben, t'as les Allemands qui attaquent Danzig. Et, comment tu as dit ? Danzig, c'est en Pologne. Enchanté, oui. Et du coup, la France et, l'Angleterre déclarent la guerre. Puis finalement, t'as la Russie. À qui ? Ben, à l'Allemagne. Ah oui, mais il faut tout expliquer. Hein, pour quelqu'un qui ne connaît pas, la France et l'Angleterre déclarent la guerre, ok, mais à qui, quoi, comment ? Bon, et voilà. Et. Et alors c'est le fight. Je me souviens plus. Allez, c'est en après. Et pourquoi ils déclarent la guerre en fait ? Ben, les Français et les Anglais, c'est qui déclare la guerre ? C'est qui déclare la guerre ? Ben, qui ? Pourquoi ? Les Français et les. Anglais. C'est les Français et les Anglais déclarent la guerre à l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont attaqué Danzig. Sans prévenir et surtout parce qu'il y avait aussi une l'Allemagne était prévenue parce que enfin tout le monde était au courant quand même qu'il y avait eu quelque chose qui se passe au niveau des élections et tout que Hitler il était là et voilà enfin finalement génial. C'est ça le conflit premier de pourquoi la grande glaire. La grande glaire, j'ai dit. Bon, résumons, on se calme. Explique-moi pourquoi il y a eu la guerre. C'est quoi l'origine ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la guerre ? À partir de 39, alors. L'origine, c'est Hitler. Bah oui. Et quoi, vas-y, quoi ? Raconte. C'est qui ce gars ? C'est un type qui a été dictateur, enfin pas dictateur justement, c'est ça le truc. il a fait des élections où il a fait plein de propagande et tout, il a tué tous les penseurs qui pensaient autrement justement et finalement bah il est devenu comment dire. Premier ministre ? Chancelier. Donc, à la base, en fait, c'était un soldat allemand qui a fait la Première Guerre mondiale. Oui, c'est bon. Hitler, on parle. Voilà, ouais. Qui était dans les tranchées. Et, Hitler était dans les tranchées ? Voilà, et il a mal vécu la défaite, on va dire, comme tous les Allemands. Et donc, il a décidé de, on va dire, prendre sa revanche, si on peut dire ça, mais c'était assez... voilà. Essayons de bien comprendre, parce que sinon... Donc là, tu me parles de la première, alors, la 14-18 ? Il a participé à la Première Guerre mondiale en tant que soldat dans les tranchées. Il était plutôt jeune. Voilà. C'était un caporal, je pense, un truc de genre. Sergent, je pense. Ouais. Et c'est quoi la cause de cette guerre-là, alors, la 14-18 ? Pourquoi il y a eu la guerre ? C'est parce qu'il y a eu un traité de Versailles. enfin le traité de Versailles, qui a dit que l'Allemagne devait payer pour tout ce qu'elle avait fait. Et donc, l'Allemagne a payé avec toutes les dettes et tout et tout. Et du coup, l'Allemagne est devenue très très pauvre. Et dans l'esprit des Allemands, ça a été un petit peu répercussion. Voilà, je ne comprends pas pourquoi il y a eu la guerre 14-18. C'est quoi la cause? Parce que tu me parles du traité de Versailles. Mais... Ouais, non, je parle de pourquoi il y a eu la guerre? Soyons simples. Qu'est-ce qui fait qu'en 14-18, il y a eu la guerre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Qu'est-ce qu'on t'a appris? On t'a appris à l'école. Quelqu'un qui a tué quelqu'un. On t'a appris à l'école? Ce que tu me racontes. Ah oui, enfin, la guerre 40-45, je l'ai appris chez moi. Et chez mon père. Et la guerre 14-18, je l'ai appris en 6e primaire. Donc, c'est quoi la cause de la guerre 14-18? Il y a quelqu'un qui a assassiné un Autrichien, enfin, un type dans le pouvoir autrichien. Je sais plus qui c'est. Et quoi, et c'est pour ça qu'il y a eu la guerre? Voilà, parce qu'il y a c'était un Russe ou un Allemand ou je sais pas quoi, et voilà, du coup les Autrichiens ils se sont dit mais pourquoi tu nous attaques? Donc c'est qui le tu nous attaques? C'est qui attaquait? L'Allemagne. C'était un Allemand, je crois. Donc c'est un Allemand qui tue un Autrichien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a... c'est pas un Autrichien, c'était le roi autrichien. En tout cas, il était dans le pouvoir autrichien. Et quoi? Et c'est à cause de ça qu'il y a la guerre? Bah oui. Ça a démarré comme ça, et finalement, il y a eu un conflit, et puis il y a eu des alliés qui sont venus, et puis ça c'est devenu le bordel, et puis voilà, quoi, ils se sont tous attaqués entre eux, et voilà. Toi, qu'est-ce que tu as à dire? Isaac, tu la connais pas bien cette guerre. Non, je la connais pas bien. C'est balèze de parler de la guerre. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est parce que je connaissais. Et celle de 40-45, elle t'a intéressée et tu es allé toi-même chercher. Je voulais faire mon exposé sur la guerre 40-45. Finalement, j'ai fait sur la BD. Ouais, je vois bien le rapport là. Il y a vraiment un lien. Non, le lien en fait, c'est que Spirou, le journal Spirou, a résisté à la guerre. Enfin voilà, il a continué à éditer pendant la guerre. Voilà, c'est ça le rapport. Enfin voilà. Et quoi, tu t'es intéressé à la guerre 40-45, ça tu l'as pas appris à l'école, et pourquoi tu t'es intéressé à... Parce que je voulais faire ma conférence, mais en fait ma conférence c'est en primaire dans notre école, en fait on devait faire une conférence où on choisissait un sujet et on expliquait ce sujet avec un panneau et tout. Et finalement je voulais faire sur la guerre 40-45, donc j'ai appris presque tout chez moi. En tout cas tout le début, et puis j'ai regardé des documentaires parce que ça continuait à m'intéresser. Mais qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans en fait? Qu'est-ce que tu voulais comprendre? Qu'est-ce que tu voulais comprendre de ça en fait? Juste l'histoire. Comprendre quoi? Je comprends pas. Ben oui, tu aurais pu t'intéresser à un autre sujet que la guerre, quoi. Pourquoi la guerre? Qu'est-ce qui t'intrigue là-dedans? 45. Qu'est-ce qui te fascine? C'est quand même une guerre importante. Enfin, je veux dire, ça a fait quand même pas mal de morts. C'est suite à ça qu'il y a eu l'invention nucléaire, enfin la bombe atomique. Voilà, c'est quand même grave. En plus, c'est le truc où en fait on voit que suite à une guerre, il y a une autre guerre, et puis suite à une guerre, il y a encore une autre guerre. En fait, il y a eu trois guerres comme ça qui se sont enchaînées, et donc j'ai voulu prendre celle du milieu. Parce qu'il y a eu la guerre 14-18, la guerre 40-45 et la guerre froide. Et c'est quelle année, la guerre froide? La guerre froide, c'est de 1945 à 1989. Ah oui, c'est grand. Oui. J'ai fait ma conférence sur la guerre froide en 6e. Et tu racontais quoi? Le plan Marshall. Quoi le plan Marshall? Le plan Marshall. Alors, je me souviens plus bien. Je pense que c'était, en fait, c'est Marshall qui l'a inventé. L'Amérique donne de l'argent à la France. Et la France, en échange, elle donne des produits. Mais vu qu'il y a beaucoup de produits, enfin voilà, il y a beaucoup de produits, enfin voilà, ça tourne et puis finalement... Fin... Alors, le plan Marshall était une aide économique et financière proposée par les États-Unis à tous les pays européens à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1947. Cette aide devait permettre aux pays européens ravagés par la guerre de pouvoir se reconstruire. En contrepartie, les différents pays qui acceptaient cette aide devaient acheter en priorité des produits américains. Il s'agissait de relever le plus rapidement possible le niveau de vie des Européens afin de les dissuader de voter pour les partis de gauche qui étaient très puissants à l'époque, surtout en France et en Italie. Je vous invite à lire la suite, ça permet de mieux comprendre notre présent, notre histoire, l'histoire avec un grand H, l'histoire en général. Merci Erwan, c'est chouette. Je ne saurais pas l'expliquer. Ça a l'air très clair Erwan, mais c'est pas évident pour tout le monde. Non, après oui, on peut connaître quelque chose et après c'est savoir le transmettre et là c'est un peu le flou artistique. Hein. Ouais. Mais ça s'apprend avec le temps d'expliquer les choses. Et toi Isaac, la guerre et tout ça, ça... Moi je ne suis pas vraiment... Je me suis penché sur le sujet 2-3 fois mais je ne me suis pas vraiment intéressé à la question assez pour pouvoir répondre aux questions. Tu t'es intéressé à quoi alors toi? Depuis que t'es là sur la Terre, ça, qu'est-ce qui t'intéresse en fait? La mort, la vie, mais oui, je me pose beaucoup la question sur qu'est-ce que c'est la mort, pourquoi on est obligé de mourir, où est-ce qu'on va après, etc. Donc bon, c'est peut-être une fixette parce que la mort c'est un peu comme le noir, le vide, hein, c'est l'inconnu finalement, c'est ce qu'on n'arrivera jamais à sonder et à explorer parce que finalement il faudra vraiment prendre conscience du moment présent à ce moment-là, ce qui sera très bizarre. Bref. Tu trouves pas que c'est une bonne chose de mourir? T'imagines si on était tout le temps en vie, mais on serait blasé, on en aurait marre, on se dirait « Oh, c'est pas grave, de toute façon, je le ferai. » Oui, peut-être, ce serait... Les 300 premières années étaient géniales. Le reste, j'ai commencé à me faire chier. Ouais. Et puis les 800 dernières années, c'était chiant, c'était nul. Ouais, t'imagines le nombre d'années, tu meurs jamais. En fait, tu t'en fous de ce qui pourrait t'arriver parce que de toute façon, tu seras toujours là, quoi. Tu vois, tu peux faire de la prison, c'est pas grave. Mais il y a un film comme ça. Hein, comment il s'appelle ce titre de film avec la marmotte dedans? Vous voyez, non? Non, je vois. Oui, je vois. Le jour de la marmotte, je crois d'ailleurs. Non, un jour sans fin. Ouais, un jour sans fin. Ah non, c'est quoi un jour sans fin. C'est un jour sans fin. Oui, ça raconte quoi, votre film? En gros, c'est un météorologue qui... Moi, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Ah, si c'est le jour de la marmotte, hein, c'est exactement celui-là. Donc finalement, il reste bloqué dans une petite bourgade. Oui, il se fait chier à crever parce qu'il doit décrire le jour de la marmotte où en gros une marmotte sort de son trou pour signaler le départ de l'été et il doit expliquer ça devant les téléspectateurs et il n'aime pas ça du tout et finalement il reste bloqué dans ce charmant petit village et il apprend les us et coutumes parce que pendant une tempête il se rend compte qu'il reste bloqué toute une journée. Donc immortel en quelque sorte, il reste à chaque fois, il se relève le même jour, tout le temps. Oui, c'est la même journée identique, ça veut dire qu'il se lève, il y a son réveil qui sonne au même moment, au même endroit, il rencontre les mêmes gens au même moment, et sa journée est identique, tout le temps pareil. Comme un... Et puis vous avez compris quoi du film en fait? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est quand même vachement marrant de voir que le gars finalement finit par se dire... Oh bon, j'en ai marre, ça tourne en rond, j'en ai marre, allez, on va se suicider. Il essaye des tonnes de tentatives, puis finalement il n'y arrive pas, alors il essaye de trouver le bonheur absolu, la parfaite journée, quoi. Puis finalement, il va petit à petit créer une parfaite journée et finalement se libérer de cette malédiction qui pèse sur lui. Ouais, c'est comme ça que tu le traduis. Ouais, donc peut-être si jamais on meurt, ce serait la parfaite journée, je sais pas. En quelque sorte. Hein. Bah non. Mais là, il meurt pas. Non, mais c'est peut-être une théorie. Maintenant. Dans le film, il a quand même essayé de se suicider dans le film. Oui, c'est parce qu'il en a marre de vivre toujours la même chose. Ça veut dire que sur son chemin, il s'en fout de rouler à je sais pas combien de kilomètres, parce que de toute façon, le lendemain, rebelote à la même heure, il y a son réveil qui sonne avec la chanson bidon. Donc il comprend pas pourquoi c'est comme ça, quelque part. Et pourquoi ça change sa journée, en fait ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Qu'est-ce qui se passe à un moment donné ? Pourquoi ça change ? Qu'est-ce que vous racontez dans le film ? Comment tu traduis la chose ? Pourquoi sa journée change à un moment donné ? Parce qu'il se fait chier. À mon avis, il se fait chier, c'est tout. Oui, mais pourquoi ça change à un moment donné ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi à un moment donné on comprend ? Ah, ça y est, c'est débloqué. T'as compris pourquoi ça s'est débloqué à un moment donné ? Ah oui, moi j'ai compris. C'est parce qu'il est tombé amoureux d'une fille. Et voilà, il a été heureux avec cette fille. Et puis voilà. Surtout, ce qui s'est passé, c'est à mon avis, si je me trompe pas, hein, la première chose qui s'est fait après qu'il ait essayé des tonnes de fois de se suicider, il a sauvé quelqu'un, donc qui tombait d'un arbre, qui aurait pu se tuer probablement, ou aller très gravement à l'hôpital. Et donc il a sauvé en arrivant tout pile au bon moment, parce qu'il connaissait parfaitement bien le parc et l'endroit, et donc la journée de tous les habitants. Il connaissait aussi le nom, forcément, de tous les habitants, donc il pouvait savoir exactement qui était l'habitant qui tombait. Bref, il l'a sauvé, et à partir de ce moment-là, il a décidé de faire, de sauver un peu tout le monde, de connaître tous les habitants, voilà. De faire le bien, quoi. De faire le bien. Ouais, c'est vrai que ça raconte ça un peu, mais... Oui, c'est comme s'il avait décidé d'arrêter d'être aigri, d'être... Mais d'ouvrir aussi un peu son cœur, quoi, c'est ça que ça raconte, à un moment donné. C'est un personnage assez aigri, quand même. Oui, voilà. C'est cynique, quoi. Râleur. Ouais. Ah, mais c'est marrant que vous ayez vu ce film. Comment ça se fait ? Parce que vous n'êtes pas vieux en même temps. Vous l'avez vu quand ? Parce qu'en fait, on l'a emprunté à Noémie. Je pense qu'il faut, qu'on la rende. et voilà. Bah, et vous avez bien aimé ? Ouais, moi j'ai bien aimé. Je l'ai regardé 3 fois, je pense. Ah, c'est c'est fou, ça. C'est pas vraiment les jeunes qui regardent ça, quoi. Non. C'est super, vous êtes un peu atypique quand même, hein. Mais comme quoi, les jeunes, ils sont pas complètement cons, quoi. Non. Oui. Attends. Les vieux, ils pensent ça. Les vieux, ils pensent que les jeunes sont cons et les jeunes, ils pensent que les vieux sont cons. C'est débile. Ah, moi, je pense pas que les vieux soient cons. Non. Mais hashtag le faillot. Oui, hashtag le faillot. C'est quoi ça? Ça veut dire sous-entendu le faillot. Ah mais attends, tu dis un truc, c'est quoi le faillot? Le faillot, ben, c'est pour dire ben non. Enfin, je veux dire, c'est le type. Ah, je saurais pas expliquer. La smala. La smala. Ok. Référence au rap. Donc, les mots de fin de Erwan, c'est « La smala !» Tu peux un peu expliquer ? Enfin, t'es pas obligé, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un groupe de rap. D'accord, que t'aimes bien. Oui, j'aime bien. C'est ton mot de fin ? Oui. Et toi, Isaac ? La vie, c'est un rêve. C'est-à-dire ? Que la vie est un rêve. Non, la vie, donc, c'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est finalement la vie. Tout s'accélère, mais on tourne au ralenti. Toujours pas célèbre. Frère, on dit que le talent prime. Du coup, je crache mes verres. Et nos rimes s'évadent dans le vide. C'est flou, ça me vénère, voir que nos rêves partent en vrille. Tout s'accélère, mais on tourne au ralenti. Toujours pas célèbre. Frère, on dit que le talent prime. Du coup, je crache mes verres. Et nos rimes s'évadent dans le vide. C'est flou, ça me vénère, voir que nos rêves partent en vrille. À l'heure où je prends ma feuille, une nuit de juillet s'est effacée pour laisser place à un nouveau matin. Mais moi j'ai rien vu venir comme à chaque fois, ça m'atteint grave. J'ai peur de bientôt atteindre les 25 pages. Oui, je vis ma vie comme un morceau, plus en freestyle qu'en thème, moins en vie stable qu'en fête. Je voulais faire la lumière sur mes zones d'ombre, mais je me défile sans cesse. Oui, je résiste sans le faire. On est ouvert, mais dans leur tête, beaucoup de minables s'enferment. Beaucoup divagues, et oui, ça se pointe pour les divas de l'enfer. Le rap, c'est comme ma princesse, moi je me vois pas sans elle. J'ai peu d'attache, mais je me rattrape avant des sales montées. Faut prendre le taureau par les cornes. Oui, j'ai appris dans la vie, rien ne t'aidera. Parler fort, rien ne cessera. Faut que je force le passage et sorte, rien que je pédave. Qui fait que chaque matin c'est gore. Crois qu'on est des restas, qu'on parle du cash, attends deux secondes. Vas-y, laisse-moi rire, hein. Non, fais pas ça pour ça. On parle de notre âge, de toutes nos émotions, quoi. Est-ce qu'il nous arrive? On parle de nos sentiments. On le fait pas pour le pif, pour les chats, pour être vip. Dans les boîtes, moi je parle des choses qui mentent. Je m'endors, oui, d'épuisement. Car je me prends la tête. Un petit dépaysement, ça me ferait du bien en fait. Car le passé me rattrape. Je trouve pas mon second souffle. Y'aura des trucs, tu rattrapes qui te sèmeront le tout. Non, j'ai plus trop la patate, t'es comme un con, je souffre. J'ai même forgé une carapace pour tous les coups de blues. Dans la vie, faut être brave et faire face à ses problèmes. Non, tu t'attendras pas vers les gens que tu aimes. La life, c'est un Kinder, pourtant j'aime pas les surprises. Ouais, je suis triste, pour eux, je suis devenu futile. Tu l'as dans le sang, tu l'encenses, man ouf. Des coups, on s'en bat le groupe, des boules en fanfare. Coup, binous et standard, chou. Dis tout quand j'en parle, un petit coup de rap en vrac. Cap, petit coup la bande braque, j'ai nos six d'attente. Attends, ta récompense, France compte carré nos plans. Mais vu que nos rimes offensent, font se préparer ton plan B. Afin qu'ils voient le niveau de notre génération. Stop, job pour la réorganisation. Si t'es dans le nord, du côté de la mer, t'es en Flandre. Le flamand, ça parle comme ça. C'est quelque chose comme ça. Il va te dire, je vais sortir le parapluie parce que je sens que vient la drache. Répète. Je vais sortir mon parapluie, il va y avoir de la drache. Ouais. Après, tu vas un peu plus au sud. Et là, t'arrives à Bruxelles. Hein? Là, tu parles comme tous les Français qui essayent d'imiter les Belges, sauf qu'ils y arrivent jamais. Le Bruxellois, il parle comme ça. Comme toi et moi, enfin, surtout moi, quoi. Voilà, il dira, Tchudi, le zineke du voisin a encore pissé sur les plantes. Quoi? Tchudi, le zineke du voisin a encore pissé sur les plantes. Oh, Tchudi, le zineke du voisin a encore pissé sur les plantes. Après, tu descends encore plus au sud. Et là, tu as Uccle. Uccle, c'est un peu le Beverly Hills de Bruxelles, si tu veux. Ils essaient de se faire passer pour des aristocrates en mangeant des frites chaudes. Donc ils parlent un peu comme ça avec le cou tendu. Le mec, il va te dire hey, ce serait super sympa de manger une couque, un de ces quatre. Ce serait super sympa de les manger une couque, un de ces quatre. Super sympa. Super sympa. Bon, après, tu descends encore plus vers le sud. Et là, tu arrives à Liège. À Liège, je vous parle comme ça. C'est un petit peu comme un Suisse, si tu veux, mais qui aurait mangé des gaufres tout l'après-midi avec le nez bouché, si tu veux. Parle comme ça. Des quoi? Des gouffres. Des gouffres. Des gouffres. Des gouffres. Voilà. Le i devient un hein. Tout l'après-midi, j'ai mangé des gouffres tout l'après-midi. Dam dam ali ali, mera wird hai dam dam ali ali. Sakhi lal kalandar mast mast, Sakhi lal kalandar mast mast. Dule lal kalandar mast mast, dam mast kalandar mast. Voilà, envie de vous faire rencontrer une dame qui s'appelle Catherine Whittall de Wendon. Alors, Catherine, Catherine quoi. Whittall, c'est écrit W-I-H-T-O-L de Wendon, W-E-N-D-E-N. Alors, pourquoi j'ai envie de vous faire rencontrer cette dame? Parce que moi-même, je l'ai rencontrée aux réclusiennes. Je vous expliquerai après qu'est-ce que c'est les réclusiennes. Mais elle est pointue, quoi. Vous sentez vraiment la dame passionnée. Elle est politologue et sociologue, directrice de recherche au CNRS. Mais tout ça peut paraître pompeux. Seulement dans ce cas-ci, on sent bien que la dame, derrière ces titres-là, elle est passionnée par ce qu'elle fait. Ça s'entend à sa manière de raconter. Donc c'est une spécialiste des migrations internationales sur lesquelles, depuis une vingtaine d'années, elle a mené différents travaux, conduit de nombreuses études de terrain et diriger différentes recherches comparatives, surtout européennes. Elle a été consultante auprès de l'OCDE, du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne et experte externe auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elle est aussi membre de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Enfin, vous voyez tout le bazar. Seulement, derrière tout ça, une femme, vous allez l'entendre, alors on la comprend, enfin voilà, j'aime bien ça, moi j'ai envie de défendre cette idée qu'on peut avoir plein de titres et en fait être vachement compréhensible par tous. Et ça, c'est une donnée, mais waouh, c'est génial, quoi. Voilà, c'est J'ai étudié, je fais plein d'études, je suis passionnée, je fais de la recherche, mais je ne suis pas enfermée dans ma tour d'ivoire. Je suis capable de le transmettre au commun des mortels. Ça, j'adore. Et vous allez entendre, donc il y a moyen d'écouter tout ce qu'elle dit, je vous expliquerai après où, comment. Mais j'ai pris simplement la fin de ce qu'elle dit. Donc c'est sur l'immigration, puis on lui a demandé de dessiner une carte du monde sur tous les flux migratoires, enfin un truc un peu fou comme ça, et j'ai pris ce passage-là hein, à la fin. Elle raconte un peu ses difficultés par rapport à ce projet-là, hein, de dessiner les frontières de tous ces flux migratoires. Et aussi la parole d'un intervenant dans le public. Voilà, écoutez ça et après je vous explique la suite. Alors ce n'est pas un micro ouvert avec Catherine Whittle de Wenden, vraiment sacré nom. C'est une radio libertaire qui se trouve à Paris, qui a enregistré ces 3-4 jours, hein, ces 3-4 jours de festival, on va appeler ça comme ça, de réclusiennes. Je vous expliquerai après ce que vous allez entendre, qu'est-ce que c'est les réclusiennes. Pour terminer, notamment le phénomène d'urbanisation de la planète, qui est un phénomène de plus grande migration. D'ailleurs, c'était dit dans l'entretien qu'on entendait mal, mais comme j'étais à la première place, j'ai bien entendu, la ville est un facteur de mobilité. Beaucoup de gens qui quittent la campagne et qui vont vers la ville sont approchés par les passeurs, sont informés des possibilités de migrer, et ce mouvement d'urbanisation qui est colossal, par exemple pour le continent africain, est un phénomène de mobilité accrue avec des villes considérables qui ont plus de 12 millions d'habitants qui sont représentés ici. Et puis un autre phénomène, donc les phénomènes de cosmopolitisme et de ville globale, qui est un phénomène qui se développe considérablement, mais aussi la dépendance des pays du Sud qui persiste à l'égard des transferts de fonds. Ils veulent poursuivre, bien sûr, la migration, aussi bien les États que les migrants eux-mêmes, puisque c'est des chiffres très importants. 200 milliards de dollars ont été envoyés par les migrants en 2013 dans leur pays d'origine. Et enfin, les questions environnementales, qui seront une nouvelle forme de migration qui existe déjà. On a à peu près 40 millions de déplacés environnementaux, surtout du sud au sud, comme vous le voyez sur la carte, puisque c'est surtout au sud de l'équateur qu'il y a le plus de problèmes, notamment les cyclones, les tornades, l'élévation du niveau des mers, la désertification. Donc ça va provoquer beaucoup de migrations internes dans les pays et beaucoup de migrations du sud au sud. Là, ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est souvent des gens qui subissent des situations et donc qui ne vont pas se déplacer nécessairement très loin. De même que le phénomène de régionalisation que je vous ai expliqué, il est lié au fait qu'on a des nouveaux profils de migrants qui ne vont pas très loin. Là, on a parlé beaucoup d'hommes qui traversent l'Afrique, etc. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans la migration. Aujourd'hui, on est à 51% à peu près de femmes. Il y a des mineurs isolés, etc. Ces gens-là vont moins loin. Donc, ça accentue le phénomène de régionalisation des flux migratoires. Pour l'instant, pour terminer, pour insister sur le vide juridique, on n'a pas de statut pour les déplacés environnementaux. Il y a des pourparlers qui existent depuis 2011. On dit on va trouver un statut situation régionale, mais il n'y a rien de fait. Et de même, les apatrides, on en a parlé il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, pour les gens qui venaient du Myanmar et du Bangladesh qui essayaient de se réfugier en Indonésie, qui ont été refoulés, etc. Il y a 13 millions aujourd'hui d'apatrides pour des raisons diverses sur lesquelles on pourrait s'étendre, mais ces gens n'ont aucun statut et donc pas le droit de bouger et même pas le droit d'être chez eux, si j'ose dire, puisqu'il n'y a pas de chez eux. Donc on a toute une série de vies dans la matière, de même les 60 millions de personnes qui sont en situation de réfugiés selon le HCR aujourd'hui à l'échelle mondiale, il n'y en a que 10 millions qui ont le statut de réfugiés des Nations Unies, d'autres ont un autre statut comme celui des Palestiniens, mais la plupart sont des déboutés ou des demandeurs d'asile, des gens qui ont des protections temporaires. Donc il y a un retard de la prise de conscience du phénomène et notamment du droit par rapport à la réalité qui est colossale dans ce domaine, ce qui légitime d'autres mobilisations que celles des États pour essayer de prendre en main ces phénomènes. Voilà, tout simplement. Je voudrais simplement dire en aparté que quand j'ai dû faire l'atlas, la grande question que je me suis posée, puisque autrement on m'a demandé de faire un atlas des migrations mondiales, ce que j'avais bien sûr jamais fait de ma vie, la plus grande difficulté, parce que les chiffres, on les a pour un certain nombre de pays. Il y a des chiffres pour des régions où on n'a pas grand-chose, pour l'Afrique subsaharienne, certains pays d'Amérique latine, certains pays d'Asie. Mais ça, ce n'était pas le plus gros problème. Le problème, c'était le découpage. Qu'est-ce qui fait sens en termes de migration? Comment je vais faire le découpage? Par exemple, l'Asie. Comment découper les systèmes migratoires régionaux qui existent en Asie, par exemple? Ou couper les Amériques? Qu'est-ce qui est significatif? Par exemple, j'ai découvert que l'Amérique centrale allait vers les États-Unis. À partir du moment où on est en Amérique du Sud, on reste en Amérique du Sud. Donc il y a des phénomènes régionaux qui ont une mobilité qui est différente dans un même espace, mais avec des phénomènes qui dominent comme ça et qui dessinent un petit peu tous les ronds que j'ai pu faire dans l'Atlas, parce que sinon on est dans quelque chose de très flou. Et découper l'Asie, ça a été très compliqué. Par exemple, pour moi, je me suis beaucoup cassé la tête parce que je voulais voir qu'est-ce qui était significatif comme sens de ces migrations en termes de flux pour pouvoir les représenter. C'est juste une question que je me pose. Est-ce qu'il y a déjà eu une tentative de calculer, de faire une simulation si on arrêtait définitivement les frontières, en tout cas en ce qui concerne les flux migratoires, et que l'immigration soit possible sans contrainte? Est-ce qu'on a essayé d'évaluer un petit peu qu'est-ce qui se passerait réellement, ou est-ce qu'on serait face à une explosion de déplacements, ou est-ce que ça resterait finalement à un certain équilibre? Alors ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, parce que moi-même j'ai écrit un livre sur « Faut-il ouvrir les frontières ?» et je suis persuadée qu'il faut les ouvrir plus si on veut que les flux se régulent eux-mêmes mieux, et que le seul artisan de la régulation des flux, c'est le migrant lui-même finalement. Mais il y a eu quelques tentatives, et notamment l'OCDE a fait la semaine dernière une rencontre sur des scénarios de mobilité plus grande, etc. Le problème, c'est que les États sont très frileux en la matière, et ils sont persuadés que si on contrôle davantage, on aura de meilleurs résultats. Ce n'est pas du tout démontré en réalité. Et pour répondre à votre question, on aurait au début des flux plus importants, notamment les gens qui fuient les conflits, par exemple. Hein. Ce qui est le cas pour l'Europe. Si c'est 125 000 demandeurs d'asile, c'est des gens qui, pour l'essentiel, fuient des conflits. Mais en revanche, on aurait sans doute un tassement, parce que beaucoup de gens, ce qu'on voit, c'est que quand on ouvre les frontières, ça a été le cas à l'Est, où on avait dit ça va être l'invasion, etc. Il n'y a pas eu d'invasion. En fait, il y a eu des gens qui ont fait des allers et retours. Et beaucoup de gens, par exemple, au Maghreb, seraient en mesure de pouvoir voir si ça va mieux, moins bien, etc. C'était le cas d'un certain nombre de Tunisiens qui, après la révolution arabe, les révolutions arabes sont venus, sont aperçus que finalement il n'y avait pas grand-chose à espérer pour eux, sont repartis. Donc si les gens peuvent circuler plus librement, ils peuvent faire plus d'allers-retours, et on est dans une sorte de circulation migratoire, comme l'ont dit les géographes, et on a moins d'installations définitives. On a beaucoup d'installations définitives précaires, parce que les frontières sont fermées, et quand les gens ont réussi à passer, comme on l'a vu, bah, ils restent, parce que d'une part ça coûte très cher de revenir, ils ne sont pas sûrs de pouvoir le faire, et ils attendent d'avoir un statut, de se faire régulariser, etc. Et ils vont vivre des années dans la précarité, en attendant donc de pouvoir repartir chez eux. Donc en fait, on n'aurait pas. Aujourd'hui, on a 3,1% de la population mondiale, donc ce n'est pas colossal. La migration, on peut même s'étonner qu'il n'y en ait pas plus compte tenu de toutes les inégalités qui existent sur la planète. Donc on aurait plus de gens qui font des allers-retours qui seraient dans la mobilité et moins de situations d'enfermement, comme on l'a vu, ou de gens qui s'installent dans la précarité parce qu'ils ne peuvent pas repartir chez eux. Mais non, parce qu'en fait, il faut des moyens pour migrer et beaucoup préfèrent rester chez eux déjà. La plupart des gens, quand même, sont dans une situation où ils préfèrent rester, sauf ceux qui fuient les catastrophes environnementales, mais ils ne sont pas encore très nombreux, ainsi que les guerres et les conflits. Mais pour l'instant, c'est un sujet très sensible, comme vous l'imaginez. दम दम अली अली मेरा विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त दूल्हे लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मेरा विरद है दम दम अली अली मेरा विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त दम मस्त दम मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त. Qu'est-ce que c'est les réclusiennes? Alors, les réclusiennes abordent chaque année l'une des questions soulevées dans l'œuvre d'Élisée Reclus, géographe sociale et libertaire née à Sainte-Foy-la-Grande, et l'explore à la lumière du présent. Alors Sainte-Foy-la-Grande, ben, c'est aux alentours de Bordeaux, hein. Pour leur troisième édition, les réclusiennes interrogent les foyennes et les foyens, donc c'est les habitants de Sainte-Foy-la-Grande, vous l'aurez compris, les chercheurs, les militants, les journalistes, les artistes et les écrivains sur le voyage, la rencontre avec les autres et le déplacement, le nomadisme, l'errance et les migrations, en référence à Élisée Reclus, foyen, grand voyageur et marcheur infatigable, qui a sillonné les continents pour poser les bases d'une géographie sociale. Au-delà d'un événement qui rassemble chaque année plusieurs centaines de penseurs, les réclusiennes sont inscrites dans un projet collectif local. En préparation des réclusiennes 2015, les foyens ont raconté leurs voyages et les voyages de leurs familles qui, d'Italie, de Pologne, des Pays-Bas, d'Afrique du Nord, d'Angleterre, des États-Unis ou d'autres régions de France, les ont amenés en pays foyen. En 2015, les réclusiennes, c'est toute l'année en pays foyen. Voilà, je vous ai lu un peu leur fascicule, hein, pour expliquer qu'est-ce que c'est les réclusiennes. J'y étais cette année. Et c'est vrai qu'il y a un paquet de gens, c'est incroyable, hein, c'est vraiment incroyable, passionnant parce qu'on fait aussi des rencontres hein, comme Catherine que vous venez d'entendre, qui est une femme, ça s'entend, hein, qui a vraiment un savoir incroyable et qui le fait partager. Hein. Et alors, j'oubliais aussi de dire, sur le site des réclusiennes, vous pouvez aller réécouter tous les gens qui sont passés, et il y en a un paquet, et ben, il y a des gens intéressants quand même là-dedans. Donc c'était la Radio Libertaire de Paris, hein, qui s'appelle comme ça, la Radio Libertaire, qui a enregistré la plupart de tous ces blabli-blabla, de toutes ces conférences, mais c'est pas vraiment des conférences, parce que... Mais ça y ressemble, quoi, voilà. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que c'est vrai que ça passe, quoi. Vous ne pouvez pas tenir à être là tous les jours. Hein. En plus, il faisait très chaud. Et j'avais envie de vous faire entendre la suite maintenant. Et c'est un habitant de Sainte-Foy qui, lui, il a un peu... c'est comme ça que je le traduis. Il dira peut-être le contraire. Hein. D'ailleurs, je lui ai posé la question, mais... Il est un peu déçu quand même de tous ces réclusiennes. il est déçu. Vous allez entendre pourquoi il est déçu de ces réclusiennes. Donc surprenant ici, surprenant, on a vraiment une parole de Sainte-Foy, d'un habitant de Sainte-Foy. Comment on s'est rencontrés dans la rue comme ça? Mais surtout, on a commencé à discuter, vous avez commencé à m'expliquer que vous n'êtes pas... Voilà, je vous ai posé la question, ça fait combien de temps que vous êtes à Sainte-Foy? Vous m'avez répondu 4 ans. Mmh. Oui, ça fait 4 ans que je suis à Sainte-Foy. Et puis, ben, si vous voulez que je parle des réclusiennes, c'est surtout et beaucoup, je dirais, de la masturbation intellectuelle, parce qu'il ne se passe rien, les gens se côtoient, c'est des gens qui sont des chercheurs, des analystes, des gens qui ont tous des grands titres, qui viennent là raconter leurs petites histoires, mais qui, la plupart du temps, ne connaissent rien aux problèmes. Et puis sorti de là, une fois que les réclusiennes seront terminées, il n'y aura plus rien derrière, on va remballer nos bottes de paille et puis nos petits machins. Et là, sur la place où nous sommes, demain matin, il n'y aura plus du tout d'atelier. La place sera envahie par le marché. Le seul truc intéressant qui se passe à Sainte-Foy le samedi matin dans la commune. Mais expliquez, parce que c'était vraiment intéressant. Vous disiez des choses très... très concrète de la vie à Sainte-Foy, par exemple. Bon, bah, vous m'expliquez que comment ça s'est passé pour votre maison, en fait, parce que vous êtes, il se passe rien, il y a pas de boulot pour les gens. Sainte-Foy, c'est si on veut parler de migration, il faudrait parler de migration à l'heure actuelle, en 2010, en 2015, ça serait très intéressant parce que vous avez d'une part les gamins qui ont vécu à Sainte-Foy et qui, sortis du lycée avec des examens ou sans examen, partent ailleurs, voir ailleurs ce qui se trouve ou faire continuer leurs études, soit à Bordeaux, soit ailleurs. Il y en a qui vont partir en Argentine, là, il y en a qui vont faire continuer leur périple de vie ailleurs. Mais d'un autre côté, vous avez 33% de la population à Sainte-Foy qui sont des gens qui vivent sur des minima sociaux. Et sur ces 33%, je pense qu'il doit y avoir à peu près 70% de la population qui a atterri à Sainte-Foy parce que c'était des gens qui n'avaient pas de logement ou qui se retrouvaient à la rue, ce qui est mon cas il y a quelques années. Et comme il y a tout un tas de logements qui ont été des logements sociaux et qui sont pour la plupart insalubres à l'heure actuelle, vous pouvez vous loger pour pas grand-chose. Donc on envoie à Sainte-Foy des gens qui sont hors cadre, hors système, hein, ou qui ne veulent pas y rentrer. Et d'un autre côté, vous avez les gamins du village qui se cassent parce que leur vie est ailleurs, parce qu'il n'y a rien à Sainte-Foy. Sainte-Foy, le pôle emploi le dit lui-même, c'est le couloir de la pauvreté. Donc vous n'avez pas du tout de boulot. Et c'est une situation qui est inextricable, où il n'y a rien qui bouge. Et en parallèle, il y a les réclusiennes qui sont là et qui font leur show. C'est comme ça aussi que... Il y a les réclusiennes qui font leur show et puis qui invitent des tas de gens à parler. Donc cette année, c'est sur la migration. L'année dernière, c'était sur l'insertion sociale, sur la marginalité, sur l'écologie. Et puis j'avais rencontré à la suite de ça deux associations qui participaient aux réclusiennes, je crois que c'est l'année dernière. Il y en a une, ils étaient venus pour s'occuper des enfants. On les a installés dans un coin. Pendant le temps des réclusiennes, ils n'ont vu personne. Donc, comme ils sont arrivés avec leurs gamins, leurs gamins ont rencontré des gamins dans le quartier. Et puis, les gamins se sont amusés ensemble. Et puis, les gens n'ont vu personne de l'organisation. Et à côté de ça, j'avais rencontré une association qui faisait de l'insertion au niveau adulte, au niveau d'essayer de réintégrer ou d'aider des gens à se réinsérer dans le système, par le biais de nettoyage en forêt, de création de mobilier en bois, bancs et choses du genre. Ils ont été conviés à venir, ils sont venus, on ne leur a jamais posé une question, on ne leur a jamais donné un temps de parole. Donc comme quoi, quand j'ai rencontré une personne de l'association, qui était une personne de la direction quand même. De l'association Les Réclusiennes, il faut préciser, parce que sinon on se perd. Non, de l'association Les Enfants de Bellem. Et quand j'ai rencontré les gens de cette association qui font de la réinsertion, ils m'ont dit ça servira à rien, puis on s'est déplacé pour rien. Oui, parce que les réclusiennes ne sont pas allées à leur rencontre, quoi. C'est ça, en fait, que vous expliquez. Ils cherchent tout simplement à... Qui, ils ? Les gens de l'association, les gens des réclusiennes, cherchent tout simplement à rassembler autour d'eux pendant quelques jours des gens pour qu'il y ait de soi-disant débats, de soi-disant échanges. Les débats, c'est beaucoup de gens qui parlent, pas beaucoup de questions parce qu'on n'a pas le temps, on verra ça plus tard. Et puis une fois que c'est terminé, ben derrière, il ne se passe plus rien. L'année dernière, il ne s'est rien passé après. Si, ils ont laissé quelques pots de fleurs à droite, à gauche. Mais autrement, il ne s'est rien passé du tout. Ils n'ont repris aucun contact avec les associations qu'ils avaient contactées. Et puis ben, cette année, c'est pareil. J'ai assisté pour l'instant un ou deux bouts de débat. C'est des gens qui vous racontent que dans les cités, et puis dans les banlieues, dans les années 80, il y avait ceci, il y avait cela. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de ces gens qui sont allés, qui ont vécu dans les cités, qui ont vécu dans les banlieues. Moi, dans les années 80, je vivais dans un quartier de Lyon qui était pas mal au niveau banlieue, au niveau zone. Et puis, j'ai pas du tout la même impression que les gens qui parlaient là avec leurs petites chemises blanches et leur titre de noblesse. Carrément, leur titre de noblesse. Je veux dire, quand vous avez des gens, quand vous annoncez, vous regardez le programme, on vous met tel personnage, ceci, ceci, cela, ceci, ceci. Il y en a même un cette année où on nous a, dans ces titres qu'on a donnés, je ne sais plus ce qu'il était, sociologue, machin, truc et tout, on a terminé en mettant qu'il était marcheur. Est-ce que c'est vraiment un titre que de dire que quelqu'un est marcheur ? Pour moi, j'ai l'impression que c'est un citadin qui se déplace en permanence avec sa voiture et qui ne va jamais se promener. Ici, tous les gens, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est aller se promener sur les bords de Dordogne. Je ne me mets pas marcheur sur la chemisette. Quoi. Je veux dire, ça a un côté complètement à côté de la plaque. Mais donc quoi, les réclusiennes, c'est de la frime alors ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne dirais pas que c'est de la frime, parce que je pense que les gens qui viennent parler sont quand même des gens qui ont un côté intéressant. Et ce n'est pas ces gens-là que je critique. Ce qui me gêne, c'est la manière dont c'est fait. On rassemble tout un tas de gens avec des grands titres, on fait parler les gens. Déjà l'année dernière, il y avait très peu de temps de parole parce que, soi-disant, on est toujours à la bourre. Donc c'est très pratique. Et puis cette année, c'est la même chose. Mais bon, ces gens qui font des études et des recherches peuvent être intéressants. Mais dans le cadre ici, ben, vous avez tout simplement pas le temps de ceci, pas le temps de cela. Et puis il y a une frustration à tel point que les gens de Sainte-Foy ne participent pas du tout aux réclusiennes. Oui, c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de gens de Sainte-Foy qui participent. Si ce n'est, moi c'est ce qu'on m'a dit, qu'on m'a expliqué, il y a des gens qui accueillent des chercheurs, des sociologues, enfin en tout cas ceux qui viennent faire leur conférence là. C'est sympa d'avoir un sociologue ou un chercheur chez soi un soir, ça change les choses, ça change la vie. Et puis si on peut avoir une conversation avec lui, c'est très intéressant. Mais ce même personnage remis alors qu'il y a 15 personnes assises sur des bottes de paille sur la mairie, parce qu'on met pas des chaises, on met des bottes de paille, ça fait plus fun. Hein. Je veux dire, bon, ce même personnage qui, quand on pose une question, on le coupe, l'organisation le coupe en disant « je m'excuse, on n'a pas le temps, il faut passer à autre chose », peut-être que lui aussi, il est frustré. C'est pour ça que je ne veux pas dire que systématiquement, c'est que de la frime. Il y a une mauvaise organisation, une mauvaise vue des gens qui organisent le truc. Par contre, les gens qui y participent et qui se déplacent pour venir, je pense que dans ces gens-là, il y a des gens très intéressants. Mais c'est vrai que les gens de Sainte-Foy, quelque part, voilà, ça se passe les réclusiennes pendant plusieurs jours, 3-4 jours, 4 jours, et après, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien, de toute façon. Il n'y a plus rien, comme il n'y a pas grand-chose à Sainte-Foy. C'est une ville qui est complètement en faillite au niveau budget, qui est sous la tutelle de la préfecture et du département, parce que l'ancien maire a laissé des comptes absolument... enfin, on ne va pas se lancer là-dessus, c'est un autre sujet, je vais dire. Mais voilà, je veux dire, les réclusiennes, c'est bien, ça va faire de l'animation un petit peu dans les rues de Sainte-Foy. Hein, mais bon, voilà, pour les réclusiennes, au lieu de faire travailler la libraire du coin, ben on fait venir une librairie extérieure. Et puis, cette année, ils ont fait un effort. Ils ont fait un effort dans la mesure où les itinérants qui sont venus avec leur cuisine et leur petit truc, il y a cette année, dans les gens qui ont été invités, des gens de Sainte-Foy. Alors que l'année dernière, il n'y avait que des gens extérieurs. Voilà. Donc il y a un petit peu plus de trucs. Ils ont fait cette année, ils ont fait un effort. Ils ont travaillé avec le bar des sports où il y a eu des débats, où il y a des trucs. Donc ça fait, je dirais, ça fait vivre un peu la Bastide. Oui, ça fait vivre un peu la Bastide. Mais autrement, voilà quoi. Je veux dire, ça se termine dimanche midi. Dimanche soir, on n'en parlera plus et puis il n'y aura plus de traces. C'est fini. Jusqu'à l'année prochaine, si toutefois ça marche. Mais vous qui habitez Sainte-Foy, pourquoi vous n'allez pas les trouver et justement leur faire remarquer tout ce que vous me dites? Parce qu'au fond, c'est vrai, on est là à théoriser, à faire du blablabli, blablabla. Et puis dans le concret de la vie, en fait, ça sert strictement à rien, en fait, ce qu'ils font quelque part, si vous regardez. Si ce n'est pas relié à du concret dans la vie, dans la ville de Sainte-Foy, à quoi ça sert, au fond? Mais pourquoi, ma première question, c'est pourquoi vous n'allez pas les trouver, puisque vous habitez Sainte-Foy, pour leur faire cette remarque, ces remarques qui sont, je trouve, vraiment pertinentes, quoi. Alors l'année dernière, comme ça s'était déjà produit l'année dernière, j'avais essayé de rentrer en contact avec des gens de l'association, parce que j'en connais quand même quelques-uns, c'est des gens qu'on croise dans la rue à Sainte-Foy, et j'avais commencé à essayer de leur dire ou de leur donner mon avis ou truc déjà. Ça ne les intéresse pas. Ou ils bottent en touche, ou ils vous envoient bouler, ou ils ne vous écoutent pas, parce que de toute façon, ils ont raison. Donc voilà, c'est leur manière à eux de voir les choses. Ils ne veulent surtout pas changer les choses. Pour eux, c'est comme ça, c'est bien. On fait quelque chose de bien. C'est un peu le défaut de Sainte-Foy. C'est une ville qui est en train... C'était une bastide qui est pour moi devenue un village parce qu'il reste à peine un peu plus de 2000 habitants. Hein, et les gens ont raison en permanence. Donc... voilà quoi, donc je fais partie de ces gens qui habitent à Sainte-Foy mais qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller voir ailleurs ce qui se passe, parce qu'ici, au bout de 4 ans, c'est bouché et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment quelque chose qui a envie de bouger ou qui puisse bouger, dans la mesure où on voit tous, où tous les gens voient, ils ont raison, Sainte-Foy est en train de mourir mais ça fait rien, ils ont raison, voilà quoi. Déçu quoi, vous êtes déçu quoi de votre ville ici, déçu des gens, donc vous avez essayé de parler avec eux et ça sert à rien en fait, c'est ça que vous me dites. C'est même pas être déçu, c'est pas une question d'être déçu parce que ça sert à rien d'être déçu, je veux dire. Je crois qu'il faut prendre les choses, c'est comme ça, point final. Je veux dire, bon, j'ai essayé de rentrer en contact des gens. Moi, de mon côté, j'ai essayé de faire des trucs. Quand je suis arrivé il y a 4 ans, je me suis renseigné au niveau des associations en disant, ben, vous cherchez pas des bénévoles, je faisais déjà du bénévolat auparavant. On m'a regardé avec des yeux ahuris en me disant mais on n'a pas besoin de bénévoles, voilà que je veux dire, bon, parce que chacun s'occupe de son petit truc dans son coin, chacun fait son petit truc et surtout faut pas s'ouvrir, on ne sait jamais, des fois que quoi, tout est cloisonné. Et c'est pas une histoire d'être déçu, ça sert à rien d'être déçu pour des choses, je veux dire, c'est comme ça, point final quoi. S'il y a un jour quelque chose qui peut changer, pourquoi pas. Mais ça sert à rien d'être déçu pour les autres, quoi. J'ai pas envie de me remonter à ça dans ma vie, quoi. Oui, c'est sûr, mais en même temps, bah, c'est pas gay comme vie. Enfin, j'imagine que partir de Sainte-Foy, ça se fait pas non plus comme ça en claquant des doigts. En plus, vous m'expliquez que vous étiez au chômage. Surtout quand on vit du RSA, c'est très difficile de se bouger. Mais j'essaie de faire des trucs. Alors je fais un petit peu du bénévolat à droite à gauche. Puis j'essaie de me bouger, d'ouvrir des perspectives pour partir ailleurs. Mais je suis comme tous les gens qui ont atterri ici, quoi. Je veux dire, c'est le couloir de la pauvreté. Le couloir de la pauvreté, c'est le pôle emploi qui l'a décrété. C'est Libourne-Vergerac et ça va jusqu'à Villeneuve-sur-Lot. Et c'est vrai que dans le coin, il n'y a strictement rien. Donc c'est vrai que quand vous vivez avec les minima sociaux, c'est vraiment très très difficile d'arriver à se bouger, d'arriver à prévoir. Donc il faut essayer de grappiller ou d'essayer de trouver des petits trucs à droite à gauche pour essayer de bouger quoi. Puis si on n'arrive pas à bouger, ben on restera là. Il y a peut-être quelque chose à y faire, je sais pas. Et quoi, le vote FN ici, il est pas mal paraît-il à Sainte-Foy-la-Grande. 25% de la population. Voilà, de gens déçus, de gens qui ont l'ancien maire est parti d'ici en laissant